Hors des geôles. Chez ces natures froidement intrépides, dans lesquelles dominait la volonté tenace et réfléchie de la race bretonne, unie à toutes les énergies que donne la rude existence de la mer, les défaillances étaient de courte durée, et du moment qu'il était convenu qu'on s'évaderait, il fallait s'évader. Et Thor et Pen, après avoir longuement contemplé son bon navire à travers les épais barreaux du sabord, déclara du ton le plus tranquille « Ce qu'il nous faut pour partir, c'est un bateau. »« Eh bien, nous n'en saurions trouver de meilleur que le nôtre. »« Et puisque messieurs les Anglais veulent bien le mettre à notre disposition, il faut en profiter. » Au même moment retentissait le couvre-feu. « À vos hamacs, tout le monde !» fit Thor et Pen. Un instant après, le ponton tout entier, y compris le carré armoricain, semblait livré à un sommeil profond et les hamacs immobiles pendaient lourdement. Sur un ordre donné à voix basse par le jeune corsaire, Kéribin allait se glisser jusqu'au sabord le plus proche, lorsque des pas nombreux retentirent et la batterie fut aussitôt envahie par une ronde de nuit. D'un bond, Kéribin regagna son hamac. Pas à pas, lentement, l'escouade anglaise passa la visite, fusil chargé, baïonnette au canon, scrutant les hamacs, inspectant les moindres recoins à la lueur des fanaux, sondant à coups de crosse ou de barre de fer les panneaux de la muraille pour y découvrir quelques sapes masquées. Elle se retira sans avoir rien découvert de suspect et, immédiatement, Kéribin, à qui était confié, à cause de sa force herculéenne, le travail préliminaire, reprit son poste au sabord où, sans que, dans le silence absolu de la nuit calme et chaude, le moindre bruit décela sa présence, il commença une besogne mystérieuse. Le brave Morbihanais achevait un trou qu'il avait à tout hasard entrepris de creuser depuis de longues semaines dans le vaigrage et qu'il avait su dissimuler avec une habileté parfaite aux recherches des geôliers au moyen d'une pièce de bois coupée en carré qu'il avait commencé par tailler et par lever pour servir de cache. Pendant ce temps, les marins du corsaire, sans qu'un mouvement fît bouger d'une ligne leur hamac, se déshabillaient entièrement et, sur l'avis de Lantoc, se passant de main en main les provisions de graisse mises de côté depuis 2 mois et demi par le maître d'équipage et par plusieurs d'entre eux à son exemple, s'enduisaient entièrement le corps afin de rendre leurs membres plus souples, de sentir moins le froid de l'eau, dont le contact pouvait être dangereux après les privations qui les avaient affaiblis, et en même temps de glisser plus aisément entre les mains d'adversaires prévus, les marins anglais du cutter auxquels on allait donner un assaut désespéré. La consigne était la plus simple. On devait descendre un à un par la brèche, se mettre à l'eau et nager vers le cutter à l'abordage duquel on monterait, sans bruit autant que possible, pour éviter tout fracas pouvant dénoncer une aussi audacieuse évasion. Il était environ 1 heure du matin quand Kéribin annonça à son chef que le trou était suffisant et que tout était prêt. Thor et Pen donna aussitôt le signal. En un instant, sans bruit, tous les Bretons furent réunis auprès de la muraille du ponton, étendus à plat ventre pour donner moins de prise au regard, entièrement nus et armés de couteaux, de tranchées fabriquées par eux ou achetées en contrebande. La batterie était plongée dans le plus profond silence. On entendait seulement sur le pont les pas des hommes de garde. Par le trou d'une galerie à claire-voie placée à la ligne de flottaison et destinée à cette surveillance, montait le bruit des pas d'une sentinelle et l'on apercevait l'eau noire qui miroitait aux étoiles comme une promesse de liberté. Thor et Pen confia à Kéribin le soin de réduire au silence la sentinelle de la galerie. Le mot d'ordre, que se lançaient tous les quarts d'heure les soldats de garde, devait servir de signal puisqu'il donnait 15 minutes de répit. « All is well, swell. » Le tout va bien monotone circula de bouche en bouche, enveloppant le proté d'un réseau serré de mailles vigilantes. La sentinelle de la galerie finissait à peine de le lancer d'une voix un peu ensommeillée et sans grande conviction que deux bras la saisirent à l'improviste, la terrassèrent et sans trop lui faire de mal, en cas de non-réussite possible, il valait mieux pour les Français qu'il n'y eût pas mort d'homme sur le ponton, la bâillonnèrent et la ligotèrent. Kéribin, émergeant de son trou, venait d'exécuter ce tour de force et, pour laisser aux autres soldats une illusion au cas où l'un d'eux se pencherait vers la galerie, accota son prisonnier, fusil au côté, contre un montant de bois, en le laissant dans l'apparence d'une pose de garde. Puis, lui ôtant son sabre qu'il trouva bon de prendre pour lui, le contremaître plongea doucement sous la galerie de bois et sans bruit, étendu sur le dos, aux trois quarts immergé, invisible à quelques mètres, ne laissant que ses yeux et sa bouche à l'air, il s'éloigna d'un mouvement lent, continu, avec la souplesse d'un véritable poisson. Un à un, les matelots du Penbaz imitèrent cette manœuvre et, la direction ayant été soigneusement contrôlée à l'avance, prirent à la file le chemin suivi par Kéribin. Seulement, la descente, pour se faire sans un bruit, dut être plus lente qu'on ne l'avait supposé, et le 26e marin descendait seulement lorsque, annonçant le quart d'heure écoulé, le cri de veille partit de nouveau du couronnement du ponton. Heureusement, ce marin se trouvait être un ancien de l'équipage, un vieux dur à cuire que rien n'étonnait et auquel ses longs voyages avaient permis de baragouiner suffisamment l'anglais pour que, gardant son meilleur sang-froid, il prit sans hésiter le rôle de la sentinelle et lança sans crainte un retentissant « All is well » qui n'excita aucun soupçon. Puis, il plongea à son tour. À bord du Protée, Thor et Penn avaient senti son cœur s'arrêter d'angoisse. Il respira largement, tandis que Lantoc, tout joyeux, murmurait « Bien joué, ça fait encore un quart d'heure !» Les trois derniers matelots descendirent rapidement. Puis, Lantoc et Thor et Penn prirent le même chemin. Quelques instants après, les 31 hommes réunis nageaient rapidement vers le cutter qu'indiquaient au loin ses feux de position, activant leur allure à mesure qu'ils s'éloignaient de la ligne des pontons et couraient moins de risques d'être entendus et aperçus par cette nuit très calme mais très obscure. Cependant, quelques-uns plus épuisés, moins bons nageurs, saisis par le froid, commençaient à faiblir. Leurs camarades les entouraient, les soutenaient. « Allons, allons !» faisait Lantoc, plus agile que tous malgré son âge. « Du nerf, mes enfants, ça serait trop bête de couler par le fond ici, et ça ferait trop plaisir aux Anglais !» « Ah ah !» souffla Poulzic à Kergustel. « Écoute-le, le Lantoc, à l'aise dans l'eau comme il convient. Il va, vit, retourne comme un vrai Lantoc dans les mares de chez nous. Tiens, le fond !» reprit-il soudain, et sentant ses pieds glisser sur une surface visqueuse. « La vase, commandant » fit-il un peu plus haut. « Ce que je craignais, les bancs de vase !» répliqua Thor Heppen. « Mais quoique pas fameux, ça va nous reposer un peu. Attention à ne pas s'enliser, mes garçons !» et ce sera excellent pour vous détendre un instant. » Au même moment, le « All is well » retentit à bord des pontons éloignés déjà d'environ 1200 mètres. « Pensez que nous allons être avec l'autre empoté qui ne répondra pas et pour cause !» déclara Kéribin. Et la bande entière resta immobile. Mais aucun mouvement ne se fit à bord du Protée, dont la masse sombre apparaissait au loin. Sans doute y a-t-il un relâchement involontaire de surveillance parmi les sentinelles, qui, voyant leurs camarades à son poste, ne s'inquiètent pas trop de son silence, déclara Postec. Mais au second tour, cela ne prendra plus. Il faut profiter du nouveau quart d'heure. Thor et Penn s'orienta un instant et commanda. En avant à toute vitesse, cernons le cutter et à l'assaut. Comme une bande de marsouins, nageant à grands coups réguliers et silencieux, les corsaires filèrent dans la direction du petit navire sans une hésitation. En quelques instants, la distance fut franchie. Trop confiants dans le voisinage des forts de Portsmouth, les marins anglais faisaient fort mauvaise garde. Deux matelots seulement. L'un complètement endormi sur un prélard, l'autre à demi assoupi, était sur le pont, les autres dans leur hamac, dans le faux pont. Se hissant par la sous-barbe du Beaupré, par les chaînes des ancres, par les moindres aspérités du bordage sur lequel s'agrippaient comme des griffes leurs pieds nus, les corsaires bondirent de tous les côtés sur le pont. Avant d'avoir pu comprendre ce qui se passait, ni d'où sortait cette bande de démons tout nus, souillés de graisse et de vases fétides, les deux hommes de quart furent terrassés et ligotés, et le faux pont fut envahi. Sur les 35 hommes qui composaient l'équipage anglais, réveillés en sursaut dans les hamacs, quelques-uns comprenant vaguement ce qui se passait à la lueur des fanaux, esquissèrent une résistance qui coûta aux assaillants deux hommes tués, dont un par le capitaine anglais surpris dans sa cabine, et trois blessés peu grièvement, ce qui, joint à la perte de deux hommes coulés de froid et de fatigue entre les bancs de vase et le cutter, réduisait à 27 le chiffre des Français. Dans l'échauffourée, 7 ou 8 Anglais périrent, une dizaine furent blessés, les autres faits prisonniers et étroitement enchaînés dans la cale. Tout s'était passé en quelques minutes, sans trop de bruit, à l'intérieur du bâtiment, et pas un coup de feu n'avait été tiré. « C'est fort heureux !» fit Postec en constatant ce résultat. « Regardez là-bas !» Durant ces quelques instants, le mutisme insolite de la sentinelle avait sans doute été remarqué et la cause en avait été découverte. À bord du Protée se marquait une prodigieuse agitation et des barques se détachaient de tous les pontons pour commencer des recherches sur la rivière. En même temps, des clameurs, des fanaux en mouvement apprenaient aux évadés que l'on était en train de compter leurs infortunés compagnons de captivité suivant l'usage, tandis qu'on les recherchait eux-mêmes dans les méandres de la rivière. Jan Postec, ayant émis l'avis de lever l'ancre aussitôt, Thor et Penn lui démontra que la faute eût été grossière, indiquant immédiatement leur retraite. Il valait bien mieux ne rien changer à l'attitude innocente du cutter et ne partir qu'à l'heure précise où celui-ci devait lever l'ancre. Cette heure, le petit jour, fut connue lorsque Thor et Penn fit interroger le capitaine au prisonnier par le matelot qui avait fait preuve d'une présence d'esprit si grande pendant l'évasion. Une demi-heure plus tard, une embarcation de ronde passant à portée de voix héla le cutter, demandant si l'on n'avait point vu de prisonnier évadé à la surface de l'eau, et le même matelot répondit en anglais, fort passable, que l'on n'avait rien vu du tout, cependant que l'équipage, dissimulé derrière les bordages, retenait son envie de rire. Et, au petit jour, exécutant la consigne anglaise, Thor et Penn et ses marins, chaudement vêtus de vêtements trouvés à bord et restaurés par un bon repas emprunté aux provisions abondantes du cutter, hissa gravement le pavillon britannique, salua les forts, 2 frégates et une corvette ancrées en rade, et tandis que les embarcations des pontons fouillaient la rivière et le rivage, mit tranquillement à la voile, leva l'ancre et partit cap au large. « Et voilà !» déclara Kéribin. « Ah, que c'est bon de respirer ça au lieu de l'atmosphère empestée du ponton !» Et le geste du Morbihanais embrassait toute l'étendue qui apparaissait aux yeux enchantés des évadés. « Heureusement que du train dont nous marchons avec ce bon Penbaz, qu'ils ont eu l'audace de réappeler le Sylph, nous pouvons être tranquilles. Le trajet nous connaît. On arrivera pour le pardon de Saint-Jean-du-Doigt, » dit Kergustel. « Chante pas victoire trop tôt, camarade !» interrompit le taciturne Tanguy. « Et regarde derrière toi. Les Anglais ont l'air de savoir où tu es, et nous avec toi. » En rade de Portsmouth, dont le cutter était éloigné d'une lieue déjà, un grand mouvement se faisait, que Thor et Penn, le sourcil froncé, surveillaient, inquiets, avec l'excellente longue vue du capitaine anglais. Le branle-bas de combat semblait donner à bord de 2 frégates et de la corvette qui échangeaient des signaux incessants avec les forts, tout en déployant en hâte leur voilure. Et bientôt le doute ne fut plus possible, lorsque le jeune commandant vit ses 3 bâtiments augmentés d'un petit cotre qui sortit de la rivière, lever l'ancre, prendre le vent et tenir un cap exactement semblable à celui du Penbaz. Tanguy avait raison. Les Anglais connaissaient leur évasion extraordinaire, leur audacieuse capture en pleine rade, et se mettaient en chasse à leur poursuite. « 2 frégates de 74, une corvette et un cotre. C'est beaucoup pour nous, tout cela, » dit Lantoc. « Si tu n'y vois pas d'inconvénient, mon bon Lantoc, » répliqua Thor et Penn, « nous allons refuser la conversation. La mer est calme, la brise établie et régulière du sud est, nous sommes dans d'excellentes conditions pour marcher au plus près et montrer à ces lourdeaux que des Bretons ne se laissent pas rattraper comme cela. » et tandis que Thor Heppen commandait quelques modifications à la voilure et à tout hasard faisait exécuter le branle-bas, Lantoc, s'affalant par le grand panneau, allait passer la visite intérieure du cutter et vérifier les fers des prisonniers, précaution utile en cas de combat. Quelques minutes après, il était de retour déclarant « Un homme en bas pour surveiller les Anglais !» Et, son ordre exécuté, il ajouta « Nous avons un évadé, nous aussi. Il a dû se laisser tomber à l'eau au moment de l'appareillage et il a prévenu les autres de là-bas. » L'un des deux Anglais de garde sur le pont, mal ligoté dans le premier moment, avait été déposé et oublié près d'un sabord ouvert. Il avait défait ses liens et, sans chercher à délivrer ses compagnons enchaînés au fer, il s'était glissé à la mer au moment où l'appareillage occupait toutes les attentions. Tandis que l'allure du Penbase augmentait rapidement, les poursuivants entamaient une chasse acharnée et si probante que Thor Heppen commanda « Inutile de chercher plus longtemps à les tromper. Affale les masques. Hisse nos couleurs !» Rapidement, Kergustel, exécutant l'ordre, amena le pavillon britannique qui flottait à la corne, puis, fouillant dans le coffre à signaux, en retira un pavillon français soigneusement ferlé. En 2 secondes, il l'amarra sur la drisse, le hissa à bloc et déferla les 3 couleurs qui déployèrent leurs gammes joyeuses aux rayons d'un clair soleil de printemps, émergeant dans l'est des vapeurs du matin. En même temps, d'une caronade de tribord chargée à blanc, partit un long jet de flammes portant jusqu'aux vaisseaux ennemis le salut aux couleurs nationales, accompagné d'une acclamation lancée par 27 voix « Vive la France !» Bien que le cutter fût à 4 ou 5 portées de canon de ses poursuivants et que les distances se maintinssent sans changement appréciable, la réponse fut une décharge anglaise, décharge parfaitement inoffensive dont les boulets allèrent labourer en pure perte les vagues et firent jaillir d'immenses panaches d'écume. « Tiens, tiens !» s'écria Kéribin. « Ces messieurs nous remercient de notre politesse en nous offrant un feu d'artifice liquide, les grandes eaux, quoi, comme à Versailles du temps des rois. » Mais, à l'étonnement de tous, les vaisseaux anglais, sans raccourcir la distance d'une encablure, continuèrent leur tir d'une façon aussi régulière qu'inoffensive. Au bout d'une demi-heure de cet exercice bruyant et en apparence parfaitement inutile, Poulzic, impatienté, s'adressant à Lantoc, traduisit le sentiment d'une partie de l'équipage en lui demandant « Mais à la fin, maître, c'est agaçant. Qu'est-ce qu'ils ont, ces milords, à brûler leur poudre au vent comme cela? Est-ce qu'ils chassent les marsouins ?»« Mon fils, » répondit sentencieusement le maître d'équipage, « avant de parler, tu ferais mieux de regarder la tête de tes anciens. » Le nez de Tanguy qui n'est pas monté dans la hune uniquement pour regarder passer les goélands et le front du commandant que cette histoire de coups de canon agace encore beaucoup plus que toi. « Ce qui veut dire, maître, » fit Kergustel tandis que Poulzic baissait le dos sous la mercuriale, « ce qui veut dire, mauvais cachalot, que vous êtes tous plus bêtes que des terriens si vous ne comprenez pas que les milords tirent leur poudre au marsouin pour faire venir au bruit les autres milords qui croisent par-ci par-là sur les côtes de France, nous faire couper la route et réintégrer la batterie du Proté, » termina rageusement Lantoc. Brique sous le vent à nous !» clama la voix de Tanguy tombant de la hune. « Là, quand je vous le disais !» exclama Lantoc. « Heureusement que nous avons bonne brise sans ça !»« Lantoc, à toi la barre !» commanda Thor Heppen. « Et gouverne serré, vieux diable, il y va de notre peau !» Les heures passèrent une à une, lentes, terribles. Les frégates anglaises gagnaient peu à peu. De l'horizon après le brick avaient surgi une corvette et une goélette, heureusement sous des allures qui ne leur permettaient pas de couper la route au cutter qui, toute sa voilure dehors, semblant devenue aux mains de Lantoc quelque prodigieux oiseau, rasait la mer d'un vol extraordinaire, entraînant à sa suite la chasse formidable des 7 croiseurs anglais. La liberté de tous tenait à la solidité d'une drisse ou d'un étai. La brise avait augmenté, la mer se creusait à mesure que le soir approchait et l'admirable petit navire n'avait pas une défaillance, pas une avarie de manœuvre. 10 fois les croiseurs anglais gagnèrent quelques encablures, se rapprochant jusqu'à une portée de canon. 10 fois ils les perdirent après quelques boulets échangés. 10 fois l'équipage passa par des alternatives atroces d'espoir et de désespoir. 10 fois... Thor Heppen jugea tout perdu et sa résolution était prise, inébranlable. Cette fois-ci, ce serait la bataille sans merci, ou mieux, la mort, comme la belle cordelière. L'explosion formidable bord à bord avec l'ennemi, la grande hécatombe où il ensevelirait à jamais ensemble Thor et Pen et la race des Guiznous. Seul, Lantok, immobile, semblait ne plus faire qu'un seul être avec le bâtiment qu'il gouvernait et que de toutes les forces de sa volonté, il jetait, comme on éperonne un bon cheval fidèle, à la vie et à la liberté. Le soir tomba sans que fût décidé le sort de la poursuite. « La nuit, enfin !» jeta Lantok qui avait placé dans les ténèbres sa dernière espérance et la possibilité de sa dernière manœuvre. À ses côtés, Thor et Pen n'entendaient plus rien, répétant pour lui-même à satiété ces mots. « Demain, le pardon de Saint-Jean-du-Doigt. Demain, Anne, ma reine Anne. »